Donc, bonjour mes frères et sœurs, encore une fois, nous sommes ensemble pour regarder aux Écritures, pour méditer la parole de Dieu. Le psalmiste nous dit que cette parole-là, c'est une lumière pour nous. Elle nous éclaire. Elle nous fait voir Dieu. Cette lumière nous fait voir Christ. Cette lumière nous fait voir la réalité, la vérité. C'est pour ça que, ensemble, on la médite pour finalement atteindre le but ultime de la vie chrétienne, l'adoration. Notre Père du ciel, béni sois-tu pour nous avoir laissé ta parole, béni sois-tu. Sans elle, nous serions dans l'ignorance, mais avec elle, nous marchons sur tes sentiers. Avec elle, nous voyons notre Dieu. Nous voyons notre Sauveur Jésus. Guide-nous, encore une fois, dans ce merveilleux livre que tu nous as laissé, qu'on appelle l'Apocalypse. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. De tous les temps, aussi loin qu'on peut voir dans l'histoire de l'humanité, l'homme a essayé de se donner des moyens pour connaître l'avenir. De toutes sortes de façons. Si vous lisez un peu sur le sujet, l'homme s'est donné toutes sortes de méthodes et de moyens pour essayer de connaître l'avenir qui s'en vient. L'homme investit des milliards aujourd'hui, encore, pour connaître s'il était possible l'avenir. Mais Dieu dit à Israël, dans le livre d'Ésaïe, il est impossible à l'homme de connaître l'avenir. Même si on investira des milliards, il est impossible à l'homme de connaître l'avenir. Seulement Dieu connaît l'avenir. Et c'est pour ça que nous lisons l'Apocalypse, parce que nous croyons que ce livre nous vient de Dieu. Nous avons vu jusqu'à date que Dieu a décidé de s'adresser à l'Église du temps de Jean, à sept églises précisément, qui étaient sept églises en Asie, et il va parler par Jésus, et Jésus va utiliser son ange, et son ange va parler à Jean, et Jean va écrire le livre de l'Apocalypse qu'il va envoyer aux sept églises d'Asie, que Jésus a décidé. Pourquoi il a choisi ces sept-là? Il n'avait pas juste sept sur la terre à ce moment-là, mais il a choisi ces sept-là avec une raison bien précise, je crois, parce qu'il reflétait, je crois, l'Église d'une façon générale à ce moment-là. Comme ces sept églises-là reflètent l'Église encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on regarde, nous, ce qu'il a dit à ces églises-là, nous essayons de le comprendre et de l'appliquer dans notre vie. Donc, on est rendu à la quatrième église. On a vu Éphèse, Smyrne, Pergame. Et à chaque fois, on a vu que Jésus dit « Je connais certaines choses de toi ». Des fois, il les complimente, il les félicite pour cela. D'autres fois, et là, ensuite, il va dire « Mais je sais aussi quelque chose et j'ai des reproches à te faire. » Il a dit « T'as perdu ton premier amour, tu as peur de souffrir pour mon nom, tu as des doctrines de Balaam dans ton sein. » Et ce matin, on va en avoir une autre vérité. Et à chaque église, il dit « Si tu te repens, voici ce que je vais faire. Si tu ne te repens pas, voici ce que je vais faire aussi. » Et les annonces de jugement sont des jugements de condamnation, des jugements de perdition. Je t'enlève ton chandelier. Tu vas subir la seconde mort. Je vais te combattre avec l'épée de ma bouche. Donc, c'est des jugements de condamnation. Mais il dit, si tu te repens et que tu gardes la vérité, il dit, tu vas manger de l'arbre de vie. Tu ne subiras pas la seconde mort. Je vais te donner un nom nouveau. Je vais te donner la manne cachée. Donc, il dit, c'est toujours deux extrêmes, condamnation ou salut. Tu te repens, t'es sauvé. Tu te repens pas, je te condamne. Donc, n'utilisons pas premièrement les églises pour stimuler des croyants, puis essayer de les pousser à l'action, mais ces églises sont là pour nous dire, t'es-tu croyant ou pas? T'as-tu gardé la vérité ou pas? Tu m'aimes-tu encore ou si tu m'aimes plus? T'as-tu gardé la vérité ou maintenant si tu prêches un mensonge? Puis ce qu'on va voir aujourd'hui, il va dire, est-ce que tu crois à des doctrines de démons ou si tu crois à ma parole? Lisons ensemble à partir du verset 18 dans le chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'air ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à la fin. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église de Thyatire, le quatrième chandelier parmi les sept chandeliers. On ne sait pas comment l'église de Thyatire a réagi quand elle a reçu cette lettre. Est-ce qu'elle a été comme surprise? Est-ce qu'elle a été comme déçue? Est-ce qu'elle a été en colère? Est-ce qu'ils réalisaient dans quel état ils étaient? C'est pas facile de recevoir une telle lettre. De proclamer qu'on est une église de Christ, de proclamer qu'on est des enfants de Dieu, de proclamer qu'on est des chrétiens, et que là, le Maître, le Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, dit, « Hey, réveille-toi! » Il y en a une gang parmi vous qui croyez, qui servez Satan. Regardons ça. Voilà, il se présente, encore une fois, avec une partie de la vision première du premier chapitre. Il dit, c'est moi, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds comme de l'airain ardent. Il dit, c'est moi, encore une fois, c'est moi, Jésus, ton maître, ton Seigneur. C'est moi qui te regarde et qui te connais parfaitement. Tu ne peux pas te cacher devant moi. Mes yeux sont comme une flamme de feu. Je te connais par cœur. Je connais ton cœur plus que tu le connais toi-même. Laisse-moi. Ah, si je peux dire ça comme cela. Laisse-moi, chère Église, laisse-moi te dire comment je te perçois par les Écritures. Laisse-moi te dire ce que je vois. Crois en moi. Même si toi, tu ne le perçois pas, crois en moi. Crois en moi. Il dit au verset 19, encore une fois, comme il le dit à chaque fois, à chaque église, je connais, je sais, je connais. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Je te connais, je sais que tu œuvres. Chère Église de Thyatire. Ici, dans cette Église, il fait ressortir les œuvres. Si tu retiens mes œuvres, si tu pratiques mes œuvres, il parle de ses œuvres. Vous savez, les œuvres et la foi, c'est un équivalent. Si j'ai la foi, j'ai des œuvres qui reflètent ma foi. Si j'ai ces œuvres-là, c'est parce que j'ai la foi. Parce que si je regarde les œuvres d'une certaine personne religieuse, ses œuvres vont me démontrer sa foi. Et si je connais sa foi, je vais voir les œuvres qui vont découler de cette foi-là. Si je parle de ses œuvres, je parle de sa foi. Si je parle de sa foi, je parle de ses œuvres. C'est la même chose. C'est pour ça que la Bible peut dire, je vais juger tes œuvres. Comme la Bible peut dire, je peux juger ta foi. C'est la même chose. C'est pour ça que dans cette église de Thyatire, il parle si souvent des œuvres. Je connais tes œuvres. Tes œuvres sont plus nombreuses que tes premières œuvres. Puis il dit au verset 26, jusqu'à la fin, mes œuvres, pratique mes œuvres. C'est la même chose. Il pourrait dire, pratique ma foi, pratique mon évangile, prêche mon évangile. Faut faire attention. Ici, il ne dit pas, je connais tes bonnes œuvres. Mais les œuvres que tu fais reflètent-elles la doctrine que je t'ai laissée par mes apôtres? Si je vois quelqu'un, moi, comme je le vois des fois dans des films, qui mettent des pièces d'argent sur les yeux des décédés pour qu'ils payent le passeur, comme ils disent, dans l'autre monde, je sais par cette œuvre-là qu'ils font qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ et à la grâce. Ils ne croient pas que Jésus a payé pour eux parce qu'ils envoient avec le mort des sous pour qu'ils payent le passeur. Si je vois quelqu'un qui fait chanter une messe pour faire sortir un âme du purgatoire, je me dis, il offre, il fait une œuvre qui va avec la foi qu'il a. Il ne croit pas qu'il est sauvé par Jésus seul, donc il fait une œuvre qui démontre cette foi-là. Donner de l'argent à un pauvre, ça ne dit pas quelle foi que tu as. Mais si tu me dis que tu donnes de l'argent aux pauvres pour gagner ton ciel, je me dis, bon, ça va avec la foi que tu as. Tu ne crois pas que ton ciel est gagné par Jésus-Christ, donc tu veux gagner ton ciel par une œuvre que tu fais. Ici, il dit, je connais tes œuvres, je connais ta foi, je connais ton fidèle service. Donc, il connaît que dans l'église de Thyatire, il y a des gens qui œuvrent pour lui. Je les connais, tes œuvres. Mais, il y a dans ton sein, il se passe quelque chose dans ton sein qui reflète qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu fais certaines choses qui ne cadre pas avec la foi en moi. Tu dis des choses qui ne reflètent pas la grâce. Tu dis des choses, tu fais des choses qui ne reflètent pas que tu crois que je suis Dieu, peut-être. Que tu ne crois pas qu'il y a un jugement dernier. Tu dis des choses ou tu enseignes des choses qui ne reflètent pas qu'il y a un enfer qui existe. Il se passe de quoi, là, dans ton église? Et il dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Encore la même chose que la dernière fois, avec les prophètes de Balaam, les Nicolaïtes. Jézabel, si vous lisez l'Ancien Testament, elle était au temps de Élie. C'est elle qui avait entraîné Achab, le roi d'Israël, à l'idolâtrie, à adorer Balaam et les Astartés, à adorer de faux dieux. C'est Jézabel qui avait en fait tuer, qui a voulu faire tuer Élie. C'est elle qui a voulu faire mourir tous les prophètes de Dieu et les prêtres de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est cette femme qui s'est levée et a entraîné Israël dans l'idolâtrie. Que finalement, Dieu va intervenir par Élie et va châtier son peuple pour qu'il revienne à la vérité, revienne à lui. C'est pour ça que dans cette semaine, Dieu dit par le prophète Élie, Israël, reviens à moi, reviens à moi. Si t'es éloigné, tu es maintenant dans l'idolâtrie. C'est là qu'on voit, dans cette histoire de Jézabel, dans l'Ancien Testament, les prophètes de Balaam qui sont sur le mont Carmel avec Élie et qu'ils vont prier pour faire descendre le feu du ciel sur le sacrifice offert. Vous vous souvenez de cette histoire-là. Ici, il y a, dans l'église de Thyatire, là, faut pas penser que c'est une femme absolument, ça peut être une femme, ça peut être aussi un homme. Il y a quelqu'un, un ou plusieurs personnes dans l'église de Thyatire qui font comme Jézabel. Jézabel ici est une illustration de ce qui se passe. Je crois pas qu'il y avait à ce moment-là une femme dans l'église de Thyatire qui s'appelait Jézabel. Mais il y avait quelqu'un dans l'église, une ou plusieurs personnes dans l'église de Thyatire qui faisait la même chose que Jézabel. Elle était en train de détourner l'Église de la vérité. Elle était en train d'emmener l'Église dans l'idolâtrie. Ça veut dire que l'Église se détourne de Dieu, se détourne de Jésus, se détourne de la parole de Dieu. Dernièrement, on entend parler depuis peut-être à peu près 5 ans, peut-être plus, peut-être 10 ans, mais plus précisément, le 3, 4 ans, 5 ans, on a entendu parler que maintenant, il y a un mouvement dans les églises évangéliques que Dieu n'enverra jamais personne en enfer. L'enfer, ce lieu de souffrance éternelle pour les inconvertis, pour ceux qui ont rejeté Dieu, pour les Jézabel de ce monde, ça n'existe pas vraiment. Dieu va les détruire, va les anéantir, mais il n'y a pas vraiment d'enfer. Oups, oups, qu'est-ce que ça vient faire, ça, dans l'Église de Christ? Qu'est-ce que ça vient faire, ça? Comment ça que c'est là? Qui est-ce qui a séduit l'Église évangélique dans le monde pour qu'elle finisse par dire « il n'y a plus d'enfer »? Dans certains mouvements évangéliques, à un moment donné, on s'est mis à dire que Jésus-Christ n'était pas vraiment ressuscité corporellement, mais spirituellement. On s'est mis à changer les vérités. Et si vous avez étudié un peu l'histoire, les mouvements qu'aujourd'hui on déclare non-chrétiens, dans les années 1800 jusqu'à 1900, on appelle ça, ça s'appelle l'âge de la lumière. Il y a beaucoup d'églises chrétiennes qui ont produit, si je peux dire ça ainsi, des faux prophètes. Des gens qui ont parti, des fils de pasteurs chrétiens, ou des gens qui étaient dans l'Église, qui finalement se sont séparés ou qui ont commencé dans l'Église de faux enseignements. Si vous étudiez l'histoire des Mormons, des Témoins de Jéhovah, des Branham, beaucoup de mouvements qui ont débuté dans les années 1840, 1830, 1850, qui ont rejeté avec le temps la divinité de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, le salut seul en Jésus-Christ, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu et du Saint-Esprit. Ils ont rejeté des vérités fondamentales. Mais c'est pas venu du jour au lendemain, ça s'est fait par des femmes Jézabel, si je peux dire ainsi. Et tranquillement, l'Église est devenue idolâtre. Parce que si je prie et que j'adore un Jésus qui n'est pas Dieu, je suis un idolâtre. Une fois, j'ai dit un homme qui s'est présenté à ma porte, dit, un de nous deux aujourd'hui, si on meurt, toi ou moi, si on meurt aujourd'hui, il y a un de nous deux qui va être séparé de Dieu pour l'éternité. Toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu et que tu adores ce Jésus-là, ou que tu ne veux pas adorer ce Jésus-là, tu ne veux pas reconnaître sa divinité, ou moi qui dis qu'il est Dieu et que je l'adore ce Jésus-là, un de nous deux, si on mourait aujourd'hui, serait un idolâtre et s'en irait en enfer. Un de nous deux. Toi qui dis que Jésus est juste un ange, une créature de Dieu, si tu as raison, moi, je suis condamnable au plus haut point parce que j'ai fait d'une créature, j'ai fait Dieu. Je déclare Dieu et je l'adore. Mais si vraiment, moi j'ai raison et que Jésus est Dieu et qu'on doit l'adorer, toi, tu es mal foutu. Parce que tu dis que Dieu est juste une créature. Voyez-vous, c'est pas à cause que j'utilise des mots, je dois comprendre la vérité et puis la garder dans son ensemble pour être un enfant de Dieu, pour être un disciple de Jésus-Christ. Il faut, frères et sœurs, être conscient de cela. Discerner cela. Et Jésus dit au verset 21, je lui ai donné, à qui? Cette femme Jézabel-là, hein, du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne le veut pas. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Le mot débauche, là, on sait que c'est une débauche spirituelle. Dieu va donner du temps à certaines personnes, à certaines églises, du temps pour qu'ils se repentent de leur débauche spirituelle, de s'être détournés de la foi, de s'être détournés de Christ, de s'être détournés de la croix, de s'être détournés des Écritures. Je t'ai donné du temps, mais tu ne veux pas te repentir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer contre toi une grande tribulation. À elle et à tous ceux qui couchent avec elle. À tous ceux qui commettent adultère avec elle. Je vais vous envoyer une grande tribulation. Pour moi, c'est un jugement, une condamnation. Parce qu'ils ne veulent pas se repentir de leur idolâtrie. Il dit au verset 23, je te frapperai de mort, tes enfants. Et toutes les églises vont connaître que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Des fois, ça nous chicote un petit peu, nous autres, les chrétiens, parce qu'on dit qu'on n'est pas sauvés par les œuvres. Mais on comprend ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, je vais te rendre selon tes œuvres. Si tes œuvres ne reflètent pas que tu crois en moi, que tu crois à l'Évangile, que tu crois en Jésus-Christ, si tu crois en Dieu, que tu crois à la grâce de Dieu. Si tes œuvres ne reflètent pas que tu crois en moi, je vais t'envoyer une grande tribulation, un jugement, un jugement. Donc, ici, il dit à l'église de Thyatire, qui se dit une église chrétienne, il dit, il y en a dans ton sein une partie de ces gens-là qui ne croient plus à la vérité. Ils sont idolâtres. Ils croient à un faux Jésus. Ils croient à un faux Dieu. Ils croient à un faux évangile. Ils croient à un faux évangile. Mais dis-toi, à vous, à tous les autres, à tous les autres qui n'ont pas adhéré à la doctrine de Jézabel. Il dit, à tous les autres qui ne reçoivent pas cet enseignement de Satan, parce qu'il dit, ça vient de Satan, faut être vraiment aveugle, n'est-ce pas, pour ne pas voir que je suis un enfant du diable, pensant et croyant et déclarant qu'on est des enfants de Dieu. Mais ils sont des enfants du diable. Je pense pas, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais je pense pas que dans l'église de Thyatire, il y avait une partie de l'église, le dimanche matin, qui commençait à faire, comme on dirait en québécois, une messe noire, puis tu avais l'autre partie de l'église qui faisait une messe blanche. Tu avais un prédicateur qui prêchait Jésus-Christ, et tu avais un autre qui se levait dimanche matin, puis il disait, moi je prêche Satan. Je pense pas que c'était comme ça tout à fait, hein? C'était plus sournois que ça. C'était plus sournois que ça. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui vont venir à vos portes pour vous enseigner la Bible, qui disent, mais ils vous parleront jamais de Jésus tout de suite. Ils vous diront pas, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est une créature. Ils vous diront pas ça, comme ça, directement à vous, qui croyez en Jésus-Christ, qui croyez en Dieu, qui croyez en la Trinité. Ils vous diront pas ça. Ils vont vous commencer à vous parler de toutes sortes de choses, de guerre, de télévision, de saint, de ci, de ça. Ils vont vous parler de tout ça. Tout d'un coup, je me souviens une fois, un jeune croyant était venu me voir avec deux personnes qui enseignaient, selon moi, une fausse doctrine. Qui était pas, qui enseignait, selon moi, des profondeurs de Satan. Et quand ils sont venus chez nous, ce jeune chrétien-là, avec les deux autres, sont venus chez nous, on a commencé à parler. Et là, ils ont dit, « Ouais, mais vous autres, vous croyez pas que le nom de Dieu, c'est Jéhovah, papi, papi. » Ils ont commencé à me dire un paquet d'affaires. Et moi, je les ai arrêtés, puis j'ai dit, « Attendez une minute, attendez une minute. » Et j'ai regardé le jeune croyant. J'ai dit, « Est-ce qu'ils t'ont dit, est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu? Est-ce qu'ils t'ont dit que Jésus, c'est une créature? Est-ce qu'ils t'ont dit que Jésus, c'est un archange, qu'il n'est pas Dieu? » Il m'a regardé et m'a dit, « Ben, ils ne croient pas ça, les autres. Là. Ils m'ont pas dit ça, ils ne croient pas ça. » Mais il dit, « Demande-leur, demande-leur. » Ils ne te l'ont pas dit jusqu'à date. Mais c'est ça qu'ils croient. Puis un jour, ils vont t'emmener à croire ça. Et je crois que c'est ça qui se passe des fois dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une église. C'est tranquillement, ça se développe et on s'éloigne de la vérité petit à petit jusqu'au jour où est-ce qu'on prêche des profondeurs de Satan. Mais il dit à toutes vous autres qui n'avez pas cru à ça, voici ce que je vous demande. Retenez ce que vous avez reçu de moi. Retenez ce que les apôtres vous ont enseigné, mes apôtres. C'est pour ça que Jude va dire à l'Église, retenez la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Retenez, c'est tout ce que je vous demande. Je vous demande pas de faire des exploits chrétiens, en guillemets. Je vous demande pas de faire un paquet d'œuvres pour essayer de gagner quelque chose dans le ciel ou gagner une certaine bénédiction. Ce que je vous demande, retenez la foi que je vous ai transmise. N'ajoutez rien, qui va dire à la fin du chapitre de l'Apocalypse, n'ajoutez rien et n'enlevez rien. Gardez. Retenez, c'est tout ce que je vous demande. Restez attachés à la vérité. Moi, mes frères et sœurs, ce que je vous dirais, en tant qu'Église, investissons, investissons dans des personnes qui peuvent vous aider à garder la foi. Investissez temps, argent, investissons pour aider des hommes à étudier, à investir du temps pour qu'ils puissent voir. Comment est-ce que Martin Luther a-t-il commencé la réforme? Parce qu'il était en train de traduire la Bible. Il passait sa vie à étudier les Écritures, puis à la traduire. Il a découvert que l'Église était en train de s'éloigner de la vérité et qu'elle était éloignée de la vérité. Dieu, à travers Martin Luther, a essayé de faire la réforme et Martin Luther voulait que l'Église catholique se repente. Mais elle ne l'a pas fait. Finalement, il est sorti de là. Investissons du temps, ceux que vous croyez qui sont capables de le faire. Moi, je vous encourage, frères et sœurs. Investissez. Investissez. N'ayez pas peur. Encourageons-nous à investir du temps et de l'argent. Et dire, hey, ceux que vous autres, vous êtes capables, là, on voit en vous des dons, des capacités d'étudier les Écritures. Allez étudier et aidez-nous à comprendre si on s'éloigne de la vérité. C'est pour ça que Dieu a donné à l'Église des enseignants. C'est pour ça que les anciens doivent être aptes à l'enseignement. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux anciens d'Éphèse, il va y avoir des loups, des faux docteurs qui vont rentrer dans l'Église. Protégez l'Église contre ces faux docteurs-là. Parce qu'ils vont vouloir, comme Jézabel, comme Balaam, vous éloigner et de faire de vous un peuple d'idolâtres. Oh, des fois, je suis attristé. Je vous le dis, je suis attristé des fois de voir que l'Église n'est pas prête à investir plus, plus, plus dans des hommes qui vont investir leur vie à comprendre les Écritures et à enseigner les Écritures à l'Église. Faisant ainsi, protégeant l'Église des Jézabel, des Balaam. Et là, il dit, au verset 26, à celui qui vaincra, celui qui ne se laissera pas entraîner par Jézabel, et qui dit, à celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Donc, à celui qui va retenir jusqu'à la fin. Jésus l'avait dit pendant qu'il était sur la terre. À celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, si tu gardes pendant 20 ans et que tu lâches, t'es pas sauvé. Si tu gardes pendant 50 ans et que tu lâches, t'es pas sauvé. Il faut que tu gardes jusqu'à la fin les œuvres. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai dit, je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer, qu'on brise avec les vases d'argile. Ainsi que moi-même, que j'ai reçu de le pouvoir de mon Père. Je crois qu'il cite en partie là, le psaume 2. Celui qui va garder mes œuvres jusqu'à la fin. La façon que je pourrais le résumer, c'est il va régner avec moi. Comme moi, je vais régner sur les nations et que je vais paître les nations, que je vais détruire les nations rebelles comme on détruit un vase d'argile avec une verge de fer. Tu vas être avec moi. Tu vas être avec moi. Et quand on voit l'Apocalypse et qu'on voit Jésus détruire les nations impies, son Église est avec lui. Hein, on le voit avec 144 000, on le voit avec une armée, on le voit avec des chevaux qui viennent avec des hommes et des femmes ou des gens qui sont avec des robes blanches. Et on le voit avec sa gang qui combat les nations impies. Il dit, celui qui va vaincre avec moi, les Jézabel de son temps, je vais lui donner de vaincre avec moi. Je vais lui donner de régner avec moi. De régner avec moi. Et je vais lui donner l'étoile du matin. Ce que, si ici l'auteur, Jean, par l'étoile du matin, s'il fait référence à la même étoile du matin que dans Apocalypse chapitre 22, je crois que oui, il parle de Jésus lui-même, celui qui va vaincre Jézabel. Je vais lui donner ma présence, ma personne. Il va être avec moi. Je vais le garder avec moi parce que dans Apocalypse 22, il dit le fils de David, l'étoile du matin, l'étoile brillante du matin. Je crois qu'il parle de lui ici. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si Jésus est pas en train de dire là, que juste les sons, mais il parle de bien recevoir cet enseignement-là. Il a dit lui-même pendant qu'il était sur la terre que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donc, que ceux qui ont vraiment reçu de Dieu la capacité de comprendre et de croire, comprennent et le mettent en pratique ce que je viens d'enseigner dans cette église de Thyatire. Donc, frères et sœurs, si je peux le dire ainsi, il est plus important de combattre la fausse doctrine que de combattre le péché. Prenez-moi pas mal, là. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas combattre le péché dans notre vie. Mais je crois que il y a beaucoup de mouvements religieux qui essaient de combattre le péché sous toutes ses formes. Mais leur doctrine n'est pas correcte en premier. Je crois qu'il faut avoir une doctrine correcte pour être capable de combattre le péché d'une bonne façon. Parce qu'on peut combattre le péché d'une mauvaise façon. Ou de mauvaises raisons. Si je combats le péché dans ma vie, si je combats la pornographie dans ma vie parce que j'ai peur d'aller en enfer puis je veux gagner mon ciel, mais je combats le péché, mais pour la mauvaise raison. Combattons la fausse doctrine. Prions. Priez, frères et sœurs. Priez pour ceux qui vous enseignent. Priez. Ne vous lassez pas de prier pour ceux qui vous enseignent, afin qu'ils vous enseignent les voies de Dieu, afin qu'ils vous gardent des Jézabels de ce monde. Notre Père du ciel, merci. Merci que ce matin tu nous donnes aussi cette exhortation-là à nous qui vivons en 2012. Tu nous dis, combattez les Jézabels. Regardez si vous n'avez pas des Jézabels dans votre vie ou dans votre église. Et s'il y en a, combattez-les. Chassez-les s'il le faut, s'ils ne veulent pas se repentir. Avertissez-les. Avertissez-les qui sont dans les profondeurs de Satan. Avertissez-les qu'il va avoir une grande tribulation sur eux s'ils ne se repentent pas. Seigneur, et je te prie pour ceux qui enseignent dans les églises. Donne-leur de comprendre que c'est leur priorité d'investir leur temps et leur vie dans les Écritures, pour garder le peuple de Dieu, pour veiller, comme Pierre dit, sur le peuple de Dieu. Je te prie pour que les églises puissent libérer leurs enseignants des tâches administratives et qu'ils puissent donner aux enseignants tout le temps nécessaire pour qu'ils puissent étudier les Écritures et garder l'Église dans la vérité. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.